jour. Temps et ses temps, les ombres s'étirent avant de disparaître, comme la douceur du velours. La nuit s'impose pas à pas. Silence devient pesant. Nos inquiétudes naissent en un instant. Un mélange de couleurs, les endroits des visages, des contours sans lueur, chasser les fantômes qui hantent nos nuits, balayer les pensées qui glacent le sang, apprivoiser tous ces bruits que l'on entend. On se blottit, et quand les songes sont à nos portes, nos paupières sont...